L'homme avançait sur le sable doré. Les yeux écarquillés, il fixait émerveillé les dunes. Elles ondulaient paresseusement, taquinées par le vent. Elles s'étiraient sur l'horizon en rondeurs voluptueuses. Offertes au regard, telles des poitrines de femmes. Se soumettant aux baisers ardents du soleil, sans protester ni combattre. Soudain, le vent se mit à siffler avec force. Il balaya les grains de ses mains puissantes. Un ciel d'huile turquoise surplombait cet océan d'or liquide. Il épousait avec une tendresse câline les mamelles du désert. Il les soutenait de sa voûte, emplie de silence et de plénitude. Au pied de ces montagnes mouvantes, le voyageur demeurait figé par l'émotion. La bouche ouverte, il laissa libre cours à ses larmes. Il s'agenouilla lentement sur le sable brûlant. Il enfonça ses doigts tremblants dans le sang de la dune. Broyé par un chagrin trop lourd, il s'aplatit jusqu'à toucher cette terre aride de son front. Alors il baisa le sol. Lentement, inexorablement, ses pensées dérivèrent. Elles furent happées goulûment par le vide insondable. Il était naufragé sur un rivage inconnu. Toute révolte, toute rage l'avait abandonné. Il n'était plus rien, plus personne. Combien de temps resta-t-il ainsi prostré dans cette poussière qui avait été foulée par d'innombrables sandales? Cela n'avait plus aucune importance. Il se fichait éperdument de la saleté. Le corps ruisselant sous la fournaise, l'homme écoutait les ruades féroces du vent. Ce démon s'égosillait entre les seins jaunes. Désormais, le voyageur devenait un pauvre mendiant aux mains crevées de brûlures. Sa gorge s'emplissait de cet étrange miel rugueux et piquant. Ses milliers de cailloux minuscules collé à son palais. Le pèlerin avait atteint sa terre promise. Elle le hantait depuis si longtemps, le suppliant dans chacun de ses sommeils. Il se redressa, les muscles raides et douloureux. Le sable filait entre ses paumes noueuses, telle sa propre existence. Les grains dorés lui échappaient déjà, soulevés par une brise chaude. Le cœur étreint par la brume des remords, il observait ses mains vides. Autrefois, elle prodiguait des caresses. Il se souvenait d'une femme aux yeux sombres et à la peau de velours, mais son prénom se perdait dans les méandres de sa mémoire. Derrière lui, comme venant de très loin, la voix des hommes en bleu résonna. Les robes claquaient comme les voiles d'un navire. Le vacarme de la caravane sur le départ le tirait dans la lumière. Il se croyait perdu au cœur des ténèbres lorsque soudain une poigne à la fois douce et ferme se posa sur son épaule. Les prunelles grises du Touareg plongèrent dans les siennes. Le voyageur devinait son sourire derrière le chèche. Il le suivit sans protester, encore ivre de chaleur. Les berbères vaquaient à leurs occupations. Ils repliaient les tentes de peau, harnachaient les chameaux. Au milieu d'un brimbalement, lentement la caravane s'ébranla. La longue procession s'engagea sur le chemin invisible, suivant la route ancestrale. L'homme perché sur sa monture à bosse se remplissait de tout ce vide muet. Il se gorgeait à s'en déborder l'âme. Laissant errer son regard sans but, s'accrochant aux parois sablonneuses en quête de vérité. Parfois, il somnolait, bercé par les roulis des sabots et le tintement des jarres accrochés aux flancs des bêtes. Au seuil du sommeil, l'esprit suspendu entre veille et somnolence, le pèlerin percevait la voix des sages. Il ne parvenait pas encore à saisir le sens de ces mots, mais il en aimait la litanie. Douce et mélodieuse, la chanson des dunes racontait toujours et encore la même histoire, celle des hommes de bien qui se perdaient dans le désert. Les murmures saccadés tambourinaient en rythme avec les battements de son propre cœur. La caravane poursuivait sa route sous la morsure du soleil. L'homme protégea son visage déjà asséché par ses rayons ardents. Sa peau se craquelait comme celle de ses compagnons. Elle se fendait par endroits, pareille à du vieux cuir. Ici, perdu dans ce coin de monde, le temps immobilisait sa course folle. Les aiguilles s'arrêtaient entre un crépuscule écarlate et une aube teintée d'or et de mauve. Les saints fauves semblaient saigner sous ce ciel écarlate. Le disque flamboyant au zénith séchait les nuages de pluie. Seules les oasis, écrins de verdure au cœur du brasier, abreuvaient chameaux et hommes. Mais la colonne imperturbable poursuivait son voyage. L'homme oubliait son nom. Les mains agrippées aux rênes de son coursier des sables, il finit par s'abandonner à la beauté du paysage. À présent, il se confondait avec les berbères. Tout comme eux, il dissimulait son corps sous le chêche. Il partageait nourriture et légendes. Les frontières se dissolvaient au fil des étapes. Celui que l'on nommait l'étranger était devenu un frère. Un matin, la tempête s'abattit sur la caravane. Des milliers de dards s'enfonçaient dans chaque carré de chair découverte. Les bourrasques harcelaient sans pitié toutes les créatures trop intrépides, les punissant de leur audace. Comment osaient-elles défier la nature sauvage et désertique? Vaincus, les nomades mirent pied à terre. Les grains griffaient les visages et mordaient férocement les mains. Ils déchargèrent en toute hâte. Les bêtes s'affolaient. Enfin, à l'abri sous les tentes de toile, les berbères allumèrent un feu. Assis en tailleur au milieu des jarres d'épices et des rouleaux de tissus colorés, ils bavardaient gaiement. Les fureurs du vent ne les impressionnaient nullement. Les tentures de peau claquaient bruyamment. Une forte odeur de viande grillée mêlée d'épices s'éleva dans l'air. Les tambours battaient, les femmes chantaient, faisant écho à la colère du désert. Les ombres de la nuit s'allongeaient, nimbant les visages d'une brume grisâtre. Seules les flammes qui dansaient dans l'âtre éclairait encore l'habitation de toile. L'homme, rassasié de nourriture et de musique, se coucha près du foyer. Ses paupières lourdes se fermaient doucement. Bercé par les timbres chauds et les rires de gorge, il sombra dans un tendre cocon. Dans son rêve, il déambulait entre les poitrines incandescentes. La peur et la souffrance avaient quitté son corps. La tempête s'était tue. Il dépassa les chameaux couchés à l'ombre des tentes. Ils redressèrent leurs grosses têtes aux yeux globuleux sur son passage. Il se sentait bien, délivré de ses doutes qu'il avait trop souvent tenaillés. Depuis son plus jeune âge, il espérait explorer ces contrées solitaires. Longtemps, il lutta contre ce désir de bout du monde. Ici, l'esprit se mouvait encore librement. La laideur n'existait pas au creux des dunes vierges. Seule la volonté et la bravoure permettaient aux égarés de retrouver le chemin de la lumière. Lui-même, autrefois, s'était brisé les ailes sur la cruauté d'un bonheur illusoire. Il ne regrettait rien. Ce matin, ses pieds saignaient à cause de ses sandales de cuir trop raides. Hier encore, il cuisait sous le regard d'un soleil indifférent. Là-bas, de l'autre côté des montagnes, il se souvenait de nuits solitaires et glaciales. Il avait pris sa décision. Plus jamais il ne repartirait dans ces territoires sales et bruyants. Immobile sous la lune, le voyageur attendit. Peu à peu, le désir et l'impatience désertaient son âme. Il n'éprouvait aucun ressentiment envers ce destin, souvent mesquin, à l'origine de tant de regrets. Il leva son visage vers la voûte étoilée. Dieu allait-il l'accueillir avec bienveillance? Il l'espérait avec ferveur. Son existence n'avait pas été exemplaire, loin de là. Il avait menti, triché et volé. Mais il avait aimé aussi, autant qu'il avait haï. Cela compterait-il? Les larmes ruisselaient en cascade tiède le long de ses joues mangées de barbe. De lourds sanglots secouèrent ses membres, le jetant au pied des dunes. Il se recroquevilla en position fœtale. À présent, il en avait la certitude. La mort viendrait. Mais n'était-il pas venu la chercher? Ses gémissements se joignirent à ceux du vent. Sur la route des caravanes, en réalité, se trouvait son chemin de croix. Il avait traversé le monde pour trouver sa vérité. Il se releva, essuya ses joues humides. Sans un regard en arrière, il gravit le mont sablonneux. La plante de ses pieds nus s'enfonçait dans les grains mouvants. Le soleil était au zénith, pourtant ses rayons ne le brûlaient pas. Était-il déjà mort ? Silencieux et pur, le désert retenait son souffle. Des sages en robe immaculée suivaient sa progression. L'homme marchait, marchait encore et toujours. Ses oreilles impies ne percevaient pas leur chant céleste, mais cela viendrait. L'âme et le corps balayés par des tempêtes intérieures terrifiantes, il progressait. Deux jours durant, la tempête ravagea le campement. L'étranger avait disparu. Personne ne l'avait vu quitter la tente. On le chercha dans les dunes, on appela son nom, mais il ne répondit jamais. Les étoiles s'allumaient les unes après les autres. Elles éclairaient les plaines désertiques comme des milliers de gouttelettes de diamants. Le pèlerin atteignit enfin le sommet de la dune. Il s'approcha du temple auréolé de lumière. Les sages l'attendaient, les bras tendus, le sourire aux lèvres. La caravane s'ébroua, chassant le sable qui avait tout recouvert comme un linceul. Les Touaregs réveillèrent les bêtes. Elle braillait en mâchonnant des herbes imaginaires. Finalement agacés, les chameaux se secouèrent pour se débarrasser du sable. Les dunes avaient changé de place, modifiant le paysage, sans doute pour égarer le voyageur trop impétueux. Elle guettait sans impatience les premières victimes, dédaignant les chameaux trop nonchalants. Les Touaregs trouvèrent finalement l'étranger, figé dans la mort. Les traits blêmes, il serrait entre ses mains un caillou noir. Il l'avait sans doute ramassé 3 veillées plus tôt. Sa sacoche de vieux cuir reposait près de lui. Elle ne quittait jamais son épaule. À l'intérieur, les nomades découvrirent une lettre. Elle s'adressait à son fils. Le désert avait eu raison de ses ultimes forces. Avait-il percé les mystères insondables de la grande dune ? Le sable avait délivré sa pauvre âme torturée. Il avait obtenu le pardon pour ses péchés. À présent libéré de toute entrave, il foulait les poitrines fauves sans fatigue. La gourde était inutile. Aucune soif ne viendrait plus le tourmenter. Il n'avait plus besoin de nourriture pour apprivoiser sa faim. Le caillou noir voyagea à son tour, traversant terre et mer à la rencontre d'un fils perdu. Les nomades se racontaient toujours les mêmes histoires, assis au coin du feu, et le petit garçon pressait un morceau de leur monde contre son cœur. Il pleurait sur ce père égaré avant même d'être trouvé, les yeux noyés de sanglots. Il songeait à ce jour où il irait à la rencontre de ce désert lointain. À son tour, il arpenterait les dunes à sa rencontre. L'homme avançait sur le sable doré.